Allô? Ils sont là. Tous les ados sont là. Ok. Je les sens sur le terrain. Aussi si tu rappes encore, je vais à la PS4 pour rester le matin.